chercher ma moitié, ma préférée. Une famille pour la vie, ma fantaisie, ma symphonie, ma raison de vivre. You and me together forever. Avec ton beau sourire, tu m'emballes. Je n'ai pas le choix, suis à toi. Je me questionne sur ma présence ici-bas. J'ai compris que c'est pour toi. Je t'adore. Oui, la nuit vigno, Benon. Allez, Benon, soyez ma voix. Tout fou, bébé, mais tout dit, tu es mais n'y a coué. N'y a pépé, t'es non, Joe. N'y a coué, bébé. Say.